C'est sûr qu'on a commencé à parler un petit peu là sur les personnes qui sont sur l'aide sociale. Premièrement, c'est de sortir toutes les personnes inaptes au travail, de leur mettre une rente. Ou est-ce que, bon, si jamais ils ont des aides en naturel, s'il y a quelqu'un qui les aime, qui veut les aider, puis les nettoyer, puis les héberger, eh bien, c'est pas supposé affecter le montant de les montants qui vont leur être versés. Et ça, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir se concentrer vraiment sur les personnes qui sont aptes au travail. Moi, je veux dire qu'il y a toujours des statistiques, là, qu'il y a plus de 135 000 personnes qui attendent depuis plus de 10 ans chaque mois. Ah non, gars, je le sais. Je fais des boutons, je suis plus capable. J'en parle souvent, de The Price is Right, de l'aide sociale, là, gars, c'est du 135 000. Tu l'as dit, tu as les chiffres, tu as le même chiffre que moi. Non, écoute, c'est inacceptable. Et je suis tanné de voir que l'aide sociale puisse être un plan de carrière. Donc, il n'y aura plus d'argent gratuit. Il y a un maximum de 5 ans dans une vie où est-ce qu'on va pouvoir être sur l'aide sociale. C'est exactement que... D'ailleurs, c'est la seule mesure de gauche qu'on va prendre, parce que c'est Bill Clinton qui est arrivé avec ça. Et c'est le Parti démocrate. Ils avaient dit, bon, 5 ans dans une vie, maximum 2 ans à la fois. Donc, tu peux jamais être plus que 2 ans consécutifs sur l'aide sociale. J'aime ça. Et puis, après ça, écoute, on va t'aider, là. C'est pas style, tu restes chez vous. La lutte à la pauvreté, c'est pas avec l'argent du gouvernement, c'est avec un travail. Exact. On va t'aider à travailler. On va t'en faire c'est un CV. C'est ça l'objectif. On va t'aider. Écoutez, le gaz naturel, ça fait la fortune dans plusieurs États des États-Unis. Eh bien, il va falloir qu'on commence à trouver une manière de faire en sorte que ça fonctionne bien, que ça puisse être fait sécuritairement. Et oui, on a besoin de ces travailleurs-là. Et puis, c'est des jobs de qualité, c'est des jobs, là, on parle de 80 à 100 000 par année. Donc, c'est des milliers et des milliers de personnes qu'on peut ramener sur le marché du travail et profiter et les enrichir. Parce que la pauvreté, c'est le travail qui va lutter, qui va lutter contre ça. Quelles seront les autres, en gros, les autres priorités du parti pour la prochaine campagne? Priorité, bon, registre des prédateurs sexuels. On aime ça. Public? Ça va être public. À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça devrait ressembler à ce qu'on trouve aux États-Unis? Effectivement. Moi, je veux savoir si mon voisin... Moi, j'ai 6 enfants. J'ai une de mes filles qui a l'âge de Cédric Provencher. Et puis, je vais dire qu'à chaque fois que je les perds de vue, mes enfants, je suis pas capable. Je suis nerveux. Et c'est pas à mes enfants d'être en prison. Si un pédophile est dans la rue, bon, c'est parfait, il a payé ce que c'est qu'il devait, c'est correct, mais moi je veux savoir c'est qui. Et confier mon enfant à quelqu'un à qui je peux avoir confiance, c'est quelque chose qui est important. J'approuve ça.